sais, les mélodies parlent plus que les mots. Alors pour cette interlude, je préfère laisser s'exprimer l'instru. Le reste, vous n'aurez qu'à l'imaginer ou vous l'approprier. Il est parfois bon de s'évader pour mieux revenir et se relever. Alors tant que tout va bien, profitez de l'instant présent et appréciez.